Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Ici Pascal Cloutier, maire. La période des fêtes est le moment propice pour vivre de doux moments avec ceux qu'on aime et aller vers l'autre généreusement. Je vous encourage aussi à faire vos achats localement pour supporter votre collectivité et son économie. Les membres du conseil municipal de Dolbeau-Mistassini se joignent à moi pour vous souhaiter joyeux Noël et une bonne année 2018. Le site touristique de la Chute à l'Ours vous accueillera cet hiver. Plusieurs services vous seront offerts. Location de chalets, sentiers de raquettes, accès direct via les sentiers régionaux de motoneige, restauration avec service de bar et entrée gratuite sur le site. Pour plus d'informations, visitez lechutealours.com. Maud Tremblay de Dolbeau-Mistassini était sur le passage sur les ondes de CKJ mercredi en préparation des championnats juniors qui ont lieu en fin de semaine à Ville-Saguenay. Et on écoute l'entrevue qu'elle a réalisée avec Michel Tifot et Dominique Baudu. On va discuter avec une jeune patineuse de Dolbeau-Mistassini qui s'entraîne ici au complexe Marc-Gagnon. Elle s'appelle Maude Tremblay. Bonjour Maude. Bonjour. Avant de parler des championnats canadiens, on va jaser un petit peu de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a amené à pratiquer le patinage de vitesse? Ben en fait, moi, quand j'étais plus jeune, mon frère il avait commencé. Puis à l'âge de 4 ans, vraiment, mes parents ont dit « OK, on va lui faire essayer le patin », puis j'ai tombé tout de suite en amour avec le sport, puis bien, je le pratique encore maintenant, aujourd'hui. À part ton frère, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui t'ont inspiré dans le patinage de vitesse? As-tu un modèle ou une modèle? Ben c'est sûr que, je dirais, les gens de la région, là, les grandes Marianne Saint-Gelais, Cassandra, Valérie, quand tu les voyais vraiment évoluer... beaucoup, là, ben, c'est sûr que ça nous donnait une inspiration à continuer puis à vouloir aller se rendre au même point que eux. Est-ce que tu les connais personnellement? Les as-tu déjà rencontrés, côtoyés? Je dirais que oui. L'année passée, quand j'ai fait une compétition, ça s'appelle les seniors, ben, dans le temps des fêtes, avant la compétition, je me suis entraînée avec Marianne Saint-Gelais à Saint-Félicien. Puis cet été, quand je suis retournée à Montréal, ben je l'ai revue Marianne, puis elle m'a parlé, puis elle m'a demandé comment ça allait et tout ça. Puis ben oui, je dirais que j'ai des petites conversations avec eux quand on les rencontre. Est-ce qu'ils vous donnent des conseils? Ben c'est sûr, là, des fois on n'a pas beaucoup le temps. Là. Des fois, exemple, entre deux courses dans une compétition, ben on n'a pas trop le temps, ben. Mais des fois, tu peux demander une question dans un entraînement, puis ils vont te répondre avec plaisir. Ça fait combien de temps que tu patines, Maude? J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Maintenant, j'ai 17 ans. 12 ans, 13 ans. Et tu es originaire de Dolbeau-Mistassini. Tu t'entraînes ici au Saguenay? Oui. Maintenant, je suis en 5e secondaire. Je me suis rendue au sport-études parce que à Dolbeau, on était rendu pas mal toute seule. Fait que m'entraîner toute seule, c'est plus ou moins facile. En plus de ça, ben ici au Saguenay, ben on a vraiment la glace olympique qui est un grand avantage à nous faire pratiquer. Puis c'est ça. Fait que depuis le début de l'année, là, j'ai commencé à m'entraîner à Chicoutimi. Est-ce qu'il y a un club de patinage de vitesse à Dolbeau-Mistassini? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de membres? Il y a beaucoup de jeunes qui patinent à Dolbeau-Mistassini? Ça serait une bonne question, parce que ça fait longtemps que je peux aller, fait que je peux pas vraiment vous dire le nombre de patineurs. Mais la discipline est pratiquée là-bas, il y a des entraîneurs, vous êtes capable de pour ceux et celles qui sont attirés par le patinage de vitesse, dans l'eau du lac, vous pouvez patiner chez vous, dans votre aréna, dans votre amphithéâtre. Oui, on a une place à l'aréna de Dolbeau, on a des entraîneurs, on a des groupes, puis on peut en accueillir plein. Et ici, au Saguenay, je présume que tu es en sport-études? Oui. OK. Donc, tu t'entraînes presque à tous les jours? Le lundi et le jeudi, je patine deux fois par jour. Et les autres jours, dans l'après-midi, j'ai, par exemple, de la musculation, puis on fait des activités comme ça. Mais le soir, je patine le lundi au jeudi, tous les soirs. Est-ce qu'en fin de semaine, ça va être ta première expérience à un championnat canadien? Non, moi, c'est ma troisième année. Ta troisième année. Là, c'est important, là, en fin de semaine, parce que si vous gagnez, vous allez vous confirmer votre présence à des championnats du monde. Est-ce que tu as déjà commencé à visualiser tes courses dans ta tête? Ben c'est sûr que on y va tranquillement pas vite. Là. Des fois, plus la compétition elle avance, plus là tu peux te dire, tu peux te visualiser dans tes courses. Là. Mais tu sais, on va y aller au jour le jour, puis on va y aller comme ça y va. Ta meilleure performance en patinage de vitesse jusqu'à maintenant, c'est quoi? Ma meilleure performance. Soit, ben, as-tu déjà gagné un championnat régional, provincial? Je dirais que oui, là, dans des compétitions, parce que maintenant, ça se fait sur des niveaux régional et provincial et élite. Quand j'étais provinciale, oui, je gagnais les compétitions de ce type-là. Mais aussi, j'ai participé à des compétitions nationales, comme l'année passée, à la compétition nationale au Saint-Georges qui avait lieu en novembre. Ben là, c'était tout âge confondu, puis j'ai quand même fait un top 10, là, fait que pour une deuxième année d'expérience, là, c'était quand même très bon aussi, là. Est-ce que ça te stresse un peu de voir arriver la fin de semaine, tu vas patiner devant tes amis, ta famille, est-ce que ça te stresse supplémentaire? Ben moi, pas beaucoup, parce que tu sais, dans les estrades, on voit toujours des gens qui nous regardent patiner pendant les pratiques, puis c'est juste que il va juste avoir plus de monde là, mais pour moi, ça me stresse pas tant plus que ça. Là. La compétition en tant que telle, oui, mais qu'il y ait plus de gens, pas vraiment. Quels sont tes objectifs pour la fin de semaine? C'est sûr de vraiment focusser à chaque course, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que il va arriver, puis je me donnerais peut-être un objectif d'un top 15 à la compétition. Tu nous parlais tantôt de Marianne Saint-Gelais, Valérie Maltais, ces jeunes-là patinent un peu partout dans le monde. Est-ce qu'un jour, toi, t'aimerais ça, patiner en compétition un peu partout dans le monde? Ben c'est sûr que probablement un des objectifs de tout le monde, de tous les patineurs, ben c'est sûr que un jour se rendre de faire des compétitions mondiales, ben c'est un souhait qu'on aimerait tous à accomplir. Et quelle est ta distance préférée et pourquoi? Sérieusement, ça dépend. Là. Ça dépend vraiment des compétitions. Des fois, je peux avoir une bonne endurance au 1500. Des fois, je peux avoir un très bon départ au 500 mètres, donc ça m'avantage. Ou au 1000 mètres, si j'ai de l'endurance, aller vite pendant un certain nombre de tours, ben le 1000 mètres peut être aussi ma distance. Mais c'est vraiment, je dirais, relatif selon comment que je me sens. Là. J'ai quelques questions techniques à te poser. Quelqu'un, là, par exemple, qui connaît un peu moins le patinage de vitesse, te demanderait, par exemple, est-ce que vous faites affiler vos patins à chaque fois que vous embarquez sur la glace? Moi, oui, parce que j'aime pas ça patiner avec des patins qui coupent pas. Donc, à tous les pratiques, après, avant d'aller m'entraîner, j'aiguise toujours mes patins. Donc, c'est rough, c'est dur pour les lames. Est-ce que tu changes de patin régulièrement ou tu fais seulement changer les lames? Les patins, c'est sûr que ça dépend. Là. Plus tu es à un niveau élevé, ben plus tu peux penser à avoir des patins moulés à ton pied. Moi, c'est ce que j'ai présentement. Mais les lames, peut-être, c'est sûr qu'il y en a qui les changent aux années comme c'est eux qui décident, là, mais moi, pas mal aux 2 ans. Là. Est-ce que tu suis le hockey? Si je suis le hockey. Ou est-ce que tu aimes le hockey? Ben oui, quand même un petit peu. OK. Tu sais que les joueurs de hockey sont superstitieux. Est-ce que vous autres, en patinette, drôle de question, là. Je veux finir sur une note humoristique un peu, là. Les joueurs de hockey sont pas superstitieux, sont très superstitieux. Vous autres, en patinage de vitesse, êtes-vous superstitieux? Superstitieux? Hein, une grande question, hein? Par exemple, je sais pas, là, attacher ton patin droit avant celui de gauche ou je sais pas. Parce que les joueurs de hockey sont superstitieux à ce point-là, là. OK, oui, OK, je comprends la question maintenant. Moi, exemple, j'attache toujours mon patin gauche en premier. OK, pourquoi? Pourquoi, Maud, pourquoi? Ben, moi, mon patin gauche est plus confortable que le patin droit. Puis aussi, ben, lors des compétitions, ben, avec quand que je me prépare pour aller à ma course, ben, je m'assois toujours à la même chaise, à la même place. Puis il y a quelqu'un qui est assis dessus... T'attends, tu restes debout. Je suis assis, j'attache mes patins, mais je suis toujours à la même place puis je jase avec les autres personnes. Okay. Il y a des joueurs de hockey, je fais référence avec le hockey, ben, ils sont très superstitieux, les joueurs de hockey. Il y a des joueurs de hockey qui vont faire leur signe de croix, par exemple, avant d'embarquer sur la glace. Non, pas dans ton cas? J'avouerais que quand que j'embarque sur la glace, ben j'ai tout le temps mes petits mouvements, là. Je remonte mon skin, je secoue mes jambes, puis okay. Je m'étire, puis. On a chacun tous nos tics, comme je pourrais dire. Okay. Maude, merci beaucoup de nous avoir jasé, d'avoir répondu à nos questions un peu fofolles à la fin. Là. Ça fait plaisir. On te souhaite la meilleure des chances en fin de semaine. Et pourquoi pas une belle carrière en patinage de vitesse comme les Samuel Girard, Valérie Maltais, Cassandra Bradette et Marianne Saint-Gelais. Ben, merci beaucoup. Merci, Maude.